100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne juste après Difool, une nocturne ce soir, on vous l'a promis la semaine dernière en recevant Missa. Il est de retour dans cette nocturne, une nocturne rien que pour lui. Monsieur yes. Jarod est là, comment va? Comment va Fred? Eh ben écoute, ça fait plaisir de te retrouver. Ah enfin, ravi d'avoir mon émission bah sur Skyrock. Ouais, enfin, cette nocturne qu'on devait faire depuis un moment, depuis la sortie du projet. Bon, on a tardé un peu, mais au final c'est pas plus mal parce qu'on va sortir des nouveaux clips bientôt, donc c'est cool. Voilà, puis ça continue à vivre aussi un projet, c'est pas uniquement au moment de la sortie. Bien sûr, en plus on prépare notre grosse date en concert du 7 mars à la Bellevilloise. Donc 7 mars, Bellevilloise. Voilà, donc je suis content de venir maintenant, comme ça, ça permettra aux auditeurs d'aller acheter leur place. Voilà. Ils sont déjà disponibles sur Digitik, Fnac.com. Et il faut se dépêcher parce que généralement Jarod sur scène, tout se passe bien pour toi, là ça va? Ouais, en général c'est toujours complet, c'est complet à l'avance. Bon. Mais ouais, allez acheter vos places dès maintenant parce que vraiment j'ai pas envie que ça se passe comme les dernières fois où voilà, deux semaines à l'avance les gens pouvaient plus prendre leur place et je me suis fait embrouiller limite. Donc ouais, tout se passe bien, on continue la promo et on prépare les concerts. Bon, t'es content? Ouais. D'ailleurs on fait même la première partie de Two Chainz là, le 7 février. Donc pour tous ceux qui veulent venir. C'est Zénith, ouais. Ouais, au Zénith, le 7 février, il y aura moi, Tito Prince, Gradur et 2-3 autres artistes aussi. Donc ça va être un gros concert en fait. Ouais, ça va être sympa. À pas louper le 7 février, puis donc à la Bellevilloise, ça approche. Voilà, le 7 mars. Le 7 mars, ouais, c'est tous les 7. En fait. Voilà, tous les 7. 7 avril, il y a un truc de prévu, non? Non, pas encore. Pas encore? Mais ça, on va caler ça. Bon, Jarod avec nous, tu prends le contrôle de la nocturne. On attaque? Ouais, vas-y, on attaque. On va commencer par passer Héraclès. Allez, coup d'envoi de cette nocturne. 75. Jarod, au contrôle. Ils m'ont tué quand ils m'ont dit que j'étais trop différent. J'ai dû affronter la folie d'un rêve itinérant. Comme Sangoku, j'ai besoin de votre force, mes amis, donnez-moi. J'essaie de pardonner, mais ça suffit pas d'être tolérant. Je suis devant l'éternel comme un enfant devant son père croissant. Je fais du rangement dans ma vie, mais mon ordre est décroissant. Les putains en tête d'affiche, j'ai vu des vrais les dépassants. Je suis comme Hercule, je leur fais la leçon tout en les terrassant. Moi j'aimais pas que j'en ai grave boule à Such Night. 15 ans j'ai senti la sincérité dans Thug Life. Et j'ai dû m'en aller quand papa m'a dit c'est chez moi. Et j'ai survécu dans la rue en changeant ses schémas. Si la terre n'étourne, ma tête est normale. Je suis mauvais dans le bien, donc j'ai prié dans le mal. Et si un pote me blâme, expliquez-lui tout. A tout à l'heure, les mecs, l'ennemi m'a donné rendez-vous. Ils ont voulu m'emmener, je me sentais mal aimé. Je suis solo désormais. Et j'ai plus peur de tomber. J'ai vieilli dans le mal, je suis solo désormais. La seule doute, je m'éloigne. Je respecte que mes lois. Ils voulaient m'emmener, je me sentais mal aimé, je suis solo désormais. J'ai personne à fuir, j'ai personne à plaindre. J'ai personne à porter gaffe, j'ai personne à craindre. Si ce n'est mon créateur, j'ai voulu faire fort. Je voulais planer au-dessus des gens avec des ailes d'or. Je sais pas si tu me suis dans tous les cas, reste pas sur ma route. Je vais t'écraser en te regardant, t'excuser sans aucun doute. Y'a que la mort qui m'arrêtera. Et c'est tellement puissant de pouvoir crier liberta. A tous les hommes en tôle, soyez forts. Aux femmes qui viennent au parloir, c'est grâce à vous qu'on dort. C'est grâce à vous qu'on tient, vous valez plus que l'or. Et même si on vous quitte, on avance qu'avec des remords. Et si on paraît dur, c'est qu'on n'a pas le choix. On se casse pour relâcher, on réple parfois. C'est pour les bonhommes comme Hex. Mes gars va dans le Hex, ceux qui vieillissent dans le Jex. Ils ont voulu m'emmener, je me sentais mal aimé. Je suis solo désormais. Et j'ai plus peur de tomber. J'ai vieilli dans le mal, je suis solo désormais. La seule doute, je m'éloigne. Je respecte mes lois. Ils voulaient m'emmener, je me sentais mal aimé. Je suis solo désormais. Ils voulaient me faire taire. Je voulais me faire peur, je te monte en l'air normal, je suis pas un acteur. Tu me connais pas, j'ai rien à faire avec des gafteurs. On récolte que ce qu'on sème, je suis dans mon tracteur. J'écris aux police, police quand ils ont déboulé. Je suis dans un bolide solide, je suis prêt à dérouiller. J'attendais le tapis rouge pour nous, ils l'ont pas déroulé. Sache qu'ils vont le dérouler, gava, je vais tout déverrouiller. Ils ont voulu m'emmener, je me sentais mal aimé, je suis solo désormais. 7 mars à la Bellevilloise, venez nombreux. J'ai vieilli dans le mal, je suis solo désormais. La frappe préventive est toujours dans les bacs. Je respecte mes lois. Ils voulaient m'emmener. Je me sentais mal aimé. Je suis solo désormais. La planète rap. Nocturne. Sur Skyrock. Nocturne. Oula, Vanes. Elle était dans son jardin. Mais là, j'ai mal à l'autre. On y a canoné. Je suis dehors. C'est mal. C'est ça. Tu connais les bails, ma gueule. tu connais les bails ma gueule. Ça casse des bouches dans la jungle. Je mets de la haine même sur un single. Tu tapes des meufs pires mal à Singer. Mon gars va rappeler tant, on nous blesse pas. Ça sème les cœurs sur un Vespa. Tu me sers à compter mes bas, je m'en fous de ta Maybach. Tu fais le malin qu'est-ce. Tous ces fils de lièvre veulent m'apprendre à me comporter. T'as des problèmes avec tes couilles, c'est peut-être la gueule drogue t'as porté. Dans le 19 y'a beaucoup de salam. C'est bien mais les mecs s'allument. Je te touche pas, tu mérites la lame. Tu vois plus clair, c'est peut-être la lune ou peut-être la selha. Tu me dois des tas, tu dors, je vais peut-être annuler le délai. Ferme-la dans le queutru, y'a pas de pollen. J'occupe plein de postes à la Dembélé. Chez nous, tu check des putes, c'est la ficha. Tu check des poux qui t'es fichu. Mec, ça nique à l'heure de la Aïcha. Narchetan, en I, j'ai pas besoin d'être ton ami. Je vais fumer le game, j'ai 4 managers. On va dégommer les bacs en mode tsunami. Mon gars, va, j'ai pas la tête à faire des blessés. Oui, ça vise au millimètre et contre les décès. J'ai déjoué la défaite, je peux afflanquer. Ils ont réveillé la bête, je vais appeler l'essai. Sushi man, coupe tes têtes comme un sushi man. Coupe tes œufs comme un sushi man. Précis comme un sushi man. Sushi man, coupe des têtes comme un sushi man. Coupe des œufs comme un sushi man. Précis comme un sushi man. Je veux parrainer ta chute, entouré de mecs solides. Je fais que de marquer des putes pendant que tu loues des polis. Photo va tartiner ta pute. Laisse-nous faire de la molly avant qu'on fasse une folie. Tu te prends pour sang beaucoup, je suis broly. Devant moi, les mecs sont tous polis. Mais quand ils parlent derrière, ils abusent. Ils se mettent en valeur grâce à mon blaze. Au lieu de porter tes couilles, tu m'accuses. Si j'ai le faveux, c'est pour éviter le corps à corps. Gaba à toute ton équipe me suce. Ils ont peur de voir la vallée de la mort. J'ai pas besoin d'éliminer tous mes ennemis. Ils s'éliminent tout seul. On aggrave le seum, on arrive dans le dessous. Faut qu'on pète le score. Tes gars bouffent le sol. On a connu la gamelle et la branlette le soir. Fais des piches de star pour pas rush, mon ami. Tous cagoulés dans la brush, mon ami. Coup de crosse dans la tête, mec, passe-moi la mic. Les schmitts, mon PDG dit c'est que c'est à ma vie. Sushi man, coupe tes têtes comme un sushi man. Coupe tes œufs comme un sushi man. Précis comme un sushi man. Sushi man, coupe tes têtes comme un sushi man. Coupe tes œufs comme un sushi man. Précis comme un sushi man. Je veux parrainer ta chute, entouré de mecs solides. Je fais que de marquer des putes pendant que tu loues des polites. Poto va tartiner ta pute. Laisse-nous faire de la molly avant qu'on fasse une folie. Tu te prends pour sang, beaucoup, je suis broly. Sushi man, 75. Sushi man, sushi man, je connais les bails, sushi man. Sushi man, 2000. Sushi man, 13, 14. Sushi man, sushi man, c'est nous. Sushi man, coupe des têtes comme un sushi man. Coupe des œufs comme un sushi man. Coupe des têtes comme un sushi man. Coupe des œufs comme un sushi man. Coupe des têtes comme un sushi man. Coupe des œufs comme un sushi man. Précis comme un sushi man. Février au Zénith en première partie de Two Chainz, venez nombreux. Et le 7 mars aussi, venez nombreux à la Bellevilloise pour retrouver Jarod sur scène. Sushiman, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Yes, Jarod. Yes. Donc ouais, Sushiman, c'est un morceau de l'album. On va le clipper là avec avec Benny Bla. Donc ça va vraiment être un gros truc. Donc le clip sera prêt, je pense d'ici quelques semaines, un mois peut-être. On va balancer ça et on est en train vraiment de le clipper sérieusement. Donc voilà. Donc il y a des images, de toute façon il y a des images, on peut mater, hein, on peut aller cliquer pour ceux qui veulent te voir. Ouais, voilà. Te découvrir aussi, il y en a qui vont te découvrir ce soir aussi. Donc voilà, pour découvrir, c'est vous allez sur Facebook, vous avez Jarod le Caméléon, sur Twitter @Jarod_Caméléon, pareil pour le Instagram, et sur YouTube la chaîne officielle c'est Jarod officiel. Voilà, Jarod, et pour tous ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, sachez que Jarod, toi c'est le 19e, pareil, hein, on voilà. Sent à l'origine. Ouais, je viens du 19e. J'ai été à l'époque avec Watibé. Dans ouais. Le 9e arrondissement aussi, avec la section d'assaut, la tout section ça. D'assaut, l'institut. Il y a des gens qui m'ont connu par rapport à ça. Donc, voilà. Et après, t'es parti en solo. Voilà, je suis parti en solo. Enfin, ça a été super compliqué, on va dire, contractuellement. J'ai mis du temps avant de sortir mon album. J'ai monté ma propre structure, justement, avec mon équipe, le Golden Crew et Nervous. Et donc, voilà, là, on a sorti vraiment le premier album. On est super satisfait parce que les ventes marchent bien. Mais il y avait un projet qui était sorti que tu vendais un peu aussi main à la main. Oui, le tout premier projet que j'ai sorti à l'époque avec Watibé, c'était Fin de Frappe, je le vendais main à la main. Voilà. Et juste après, j'en ai sorti un autre, un an après, c'était En Attendant la Frappe. C'était une autre mixtape aussi, qu'on a vendu en main à la main. Et depuis 2 ans, ça faisait 2 ans déjà, c'était en 2011. Et là, voilà, on a sorti l'album. On est satisfait parce que voilà, il fallait enfin qu'on arrive dans les bacs et puis qu'on puisse

m'a quitté ma life, j'attends pour la mix. Je vivais à côté d'une bombe, ça sentait la rix. J'entendais plein de messes basses, j'avais plein de pistes. Tout un tas de noirs et fuck, j'ai jeté la liste. Et j'ai compris que je devais rester solide, rester solide. Je connais la vitesse et j'ai toutes sortes de bolides. Rester solide, rester solide. Ils m'ont tiré dessus à bout portant, mon ami. J'suis resté par terre, j'avais peur des autres. J'suis resté par terre, j'avais peur des autres. J'suis resté par terre, ils ont tiré dans le cœur. J'suis resté par terre, j'avais peur des autres. J'suis resté par terre, j'avais peur des autres. J'suis resté par terre, j'avais peur des autres. J'suis resté par terre, ils ont tiré dans le cœur. J'suis resté par terre. J'ai besoin d'argent pour aller vite, j'suis un homme seul. J'ai besoin d'amour pour aller vite, j'ai pas besoin de gavin, le ciel est ma limite. J'm'arrêterai pas, j'ai besoin d'amour pour aller vite. Tu connais les bails, j'ai besoin d'argent pour aller vite, j'suis un homme seul. J'ai besoin d'amour pour aller vite, j'ai pas besoin de gavin, le ciel est ma limite. J'm'arrêterai pas, j'ai besoin d'argent pour aller vite. Ils m'ont tiré dessus à bout portant, mon ami. Je les laisse pas me voler ma portant life. Mon ami. Ils m'ont tiré dessus à bout portant, mon ami. Je les laisse pas me voler ma portant life. Mon ami. Je les laisse pas me voler ma portant mon ami. Je les laisse pas me voler ma portant mon ami. J'ai besoin d'argent pour aller vite, tu es un homme seul. J'ai besoin d'amour pour aller vite, j'ai pas besoin de gavin, le ciel est ma limite. J'm'arrêterai pas, j'ai besoin d'amour pour aller vite. Tu connais les bails, j'ai besoin d'argent pour aller vite, tu es un homme seul. J'ai besoin d'amour pour aller vite, j'ai pas besoin de gavin, le ciel est ma limite. J'm'arrêterai pas, j'ai besoin d'amour pour aller vite. Bon, c'est de la frappe comme d'hab. 7-5 pour un. Ok, même tes sons font tout sauter ici, Jarod, qu'est-ce qui se passe? Bah merde alors, c'est quoi ce bordel, hein. Putain, le truc est bloqué sur... Ah, j'ai pas eu ça encore. Non mais c'est pas grave, la plupart du son est passé. Ouais, il nous restait 19 secondes. Ouais bah cool. Bon bah... Putain, je vais nettoyer un peu peut-être. Ouais. Peut-être que je l'ai trop passé. ça doit être ça. Ouais bah repasse-le, hein, n'hésite pas. Hein. C'est extrait du projet qui est dans les bacs de Jarod, qu'on peut aussi commander là tout de suite si par exemple on kiffe, on peut aller sur iTunes. Ouais voilà, sur iTunes il est en vente. Il est dans les Fnac, les Leclerc, les Carrefour, donc partout en France, bientôt en Belgique et en Suisse. Malheureusement pour nos supporters de Belgique et de Suisse, on n'a pas pu le distribuer là-bas. C'est pour ça qu'on est parti faire un freestyle tour à Bruxelles. On arrivera bientôt en Suisse. Donc j'aimerais annoncer aussi que le freestyle tour va continuer. Donc pour ceux qui connaissent pas le freestyle tour, c'est un petit concept que je fais. Je me déplace dans chaque ville. On vient sur la place principale de la ville et on invite tous les rappeurs de la ville à kicker. On filme ça et on met sur Jarod officiel. Et prochainement là, on compte aller sur Lyon, Nancy et Brest, et je pense aussi Genève. Donc ça, c'est des trucs que t'annonces de toute façon sur tes réseaux sociaux. Voilà, c'est annoncé sur les réseaux sociaux, donc le Facebook Jarod le Caméléon, la page YouTube Jarod officiel, le Twitter @Jarod-du-bas-Caméléon, pareil pour l'Instagram. C'est un bon concept ça, je trouve. Ouais, dans une ville, t'appelles tout le monde vient faire un freestyle, tu filmes et tu diffuses. Ça déchire, tu vois, les gens ils kiffent, et en plus ça nous permet nous aussi en même temps, on en profite quand c'est en Belgique ou en Suisse pour vendre les CD vu qu'ils sont pas distribués, et on vend des t-shirts, voilà, on prend des photos avec les gens qui nous supportent, tu vois, c'est l'occasion de rencontrer le public et c'est l'occasion aussi pour les kickers qui sont justement, qui n'ont pas forcément d'exposition, de montrer ce qu'ils savent faire. Et bah suivez Jarod, allez faire un tour sur les réseaux sociaux pour retrouver Jarod et toutes les dates. Donc tu l'as dit, prochaine date c'est Lyon, Nancy, où tu vas passer? Ouais, pour le freestyle tour, Lyon, Nancy, Brest et Genève. On n'a pas encore calé de date, mais c'est les prochains freestyle tours qu'on va faire. Et comme j'ai dit, après pour les concerts, on arrive à Lille le 6. Le 7, le lendemain, on sera au Zénith de Paris avec Chain. Et le 7 mars à la Bellevilloise. On continue à mettre des extraits de frappe préventive. Après, on fera un petit retour en arrière aussi sur tes sons. Les anciens sons. Les sons qui ont marqué aussi. Ouais, les sons qui ont bien marché à l'époque. Là, tu peux mettre déjà Solo et J'ai connu ton père. Nocturne avec Jarod au contrôle. Yeah. Ok. Check. Ce monde est perdu, je veux t'épargner tous les codes. Je suis prêt à fumer un pote, je me méfie car j'ai la cote. C'est mieux quand t'es solitaire, perso moi je suis solitaire. Je t'aiderai si t'es quelqu'un de bien car pour moi c'est salutaire. J'ai grandi dans le mal, j'ai rien pour toi si t'es triste. J'écoute pas les balivernes, je monte jamais mes cicatrices. Je compte sur la première personne car la deuxième mâche est là. La troisième a tout vu et a rien fait, ouais j'en suis là.

affaire. Comme mon gars va croco. Je respecte les mecs qui font le taf, qui parlent pas dans le vent comme mon gars loco. Je suis solo dans le game. Je suis boycotté par des gays, en vrai les gays valent mieux que ces grosses putes, promis bientôt je vous F la reggae. Wesh, tu te comportes comme une go, prends des cash ton pour avoir des muscles. Wesh, tu zutes pour une casquette. Wesh, tu fais le fou, tu discutes. Gava, sors un truc, fais chose gain. Wesh, t'as la tête d'un SS. Gava, si la juge me laisse faire, je te fais un trou de la taille d'un fessel. J'ai connu ton père, j'ai connu ton père, j'ai connu ton père, j'ai connu ton père, j'ai connu ton père. Tu m'arrêtes pas, tu m'enterres. J'ai connu ton père, j'ai connu ton père, j'ai connu ton père, j'ai connu ton père. Tu m'arrêtes pas, tu m'enterres, je vais te faire un cas. En plein panin, Gava tu brasses, tu vénères, fuck ton salam. J'suis sur un tir, j'vise la tête, jamais blessé. Les volets sont baissés, fais la grosse tête, tu vas te faire poser. Ils ont pas de saucer, ils vont pas te sauver. Tu connais les bails, ma gueule. On laisse jamais de bails, ma gueule. C'est la nocturne et c'est Jarod au contrôle de la nocturne. J'ai connu ton père, ça c'est un des gros morceaux aussi du projet. Hein, qu'on ouais, ouais. D'ailleurs justement, j'en profite pour annoncer à tout le monde qu'on va lancer un concours le jeudi 29. Donc branchez-vous sur nos réseaux sociaux, Jarod le Caméléon et le Twitter. Le concours en fait, ça va être très simple. On va balancer l'instru à tout le monde. Tout le monde pourra faire son remix de mon morceau J'ai connu ton père. Mm-hmm. Et le gagnant, après voilà, ils enverront ça sur notre boîte mail et on sélectionnera un gagnant, celui qui aura justement fait la meilleure performance, et le gagnant pourra être sur scène avec moi le 7 mars pour faire un morceau justement. Terrible. Voilà, tu vois, ça permet aux gens justement de se faire connaître. Donc le concours sera lancé jeudi le 29. Donc le 29, la semaine prochaine. Voilà, branchez-vous sur les réseaux sociaux et envoyez préparer votre truc. Et il y a une scène pour vous avec Jarod, un morceau sur scène à la Bellevilloise. À la Bellevilloise, ouais, le 7 mars prochain à Paris. Voilà. Ah, je vois qu'on te fait des signes très discrets aussi, Jarod. Non, c'est mon collègue DJ Moh, voilà, qui on en profite aussi pour promotionner notre marque. Ouais, on vient récemment de créer. Il y a une marque aussi. Voilà, la marque PPFF, donc le Dies PPFF. Quand vous voyez ça quelque part, c'est notre marque. On peut prononcer comment d'ailleurs alors? Dies PPFF, ça veut dire parle peu frappe fort. Parle peu frappe fort. Voilà. Dies PPFF. Donc voilà, ça commence à bien marcher. Ça se porte un peu plus qu'avant sur Paris. Enfin, elle vient d'être créée en fait. J'arrive pas d'en voir, moi. C'est marrant. D'ailleurs, je remercie parce que ouais, ouais. Porter un sweat, mais c'est vrai que j'en vois pas mal en ce moment. Bah tant mieux, tant mieux. Bonne nouvelle. Bah voilà, t'en porteras aussi alors. Et ça, on peut les trouver aussi. Il y a un site dédié ou alors. Tu peux aller sur la boutique t-shirtipop.com. Il y a tous les modèles. Il y a des sweats, il y a des t-shirts et aussi aller à rue Bourret, au restaurant chez Tata qui est en vente. C'est en vente là-bas. Donc, et bah, très bien pour les Parisiens. Voilà, pour ceux qui veulent se déplacer, qui sont à Paris, qui veulent se déplacer. C'est sympa en plus. Rue Bourré, voilà. Dans le 19e. Et ouais, bientôt on va en mettre aussi aux puces, on va en mettre dans les magasins de streetwear. On est en train de développer le truc. Bon, et puis dans quelques minutes, on va attaquer un gros freestyle, un gros live avec toi, Jarod. Yes, on est prêt. Mais juste avant, on repart sur quoi? Sur Seul? Ouais, voilà, les morceaux de l'époque. Tu vas nous mettre Seul et Dawala, c'est les morceaux qui ont bien marché et qui ont tourné sur ton. Enfin, que t'as tourné à l'époque, ouais. Tu vois. Donc voilà, un petit flashback. C'est extrait de Fin de Frappe, celui-ci. Ouais, Fin de Frappe, Seul et Dawala, c'était un petit freestyle. Nocturne Jarod au contrôle. Yes. Allez acheter l'album. Toujours dispo sur iTunes et dans les Fnac. PPFF. Chaque jour affronter le blizzard, ça change un homme, j'écoute Mozart. Un peu de calme dans tout ce bazar. Mon épiderme est comme mon cœur, blanc comme neige, rempli de froideur. Ces temps-ci je cogite fois deux, ma montre à moi m'indique pas d'heure. Puis quelques temps je fais du rap, j'écris des conneries durables. J'écris des parcelles de moi, écoute mais seulement si tu captes. T'es né, y'avait ta mère, c'est vrai, mais en vrai t'étais seul. Tu mourras, y'aura quelqu'un d'autre peut-être que tu aimes ou aimes, mais au fond tu seras seul. Frotte le sol, ça va pas changer grand-chose, mais ça calme en cellule. Tu te sens seul, pas pour autant respecter. responsable. Guette le visage de ton co, t'y verras rien de rassurant. Écoute-le attentivement, peut-être qu'à la clé aura un plan. Bref, une futilité plus à laquelle s'accrocher. Et tu la lâcheras quand la vie te prouvera que tout est éphémère. Sur la vie de ma mère que personne ne compte, car ton père, ta mère aurait pu te faucher. Ou ton fils, ta femme, et ouais t'aurais pu le penser. Des amis décevants, m'empêchant d'assez bon. Je suis loin d'un passé blanc, mais le créateur est assez grand. J'ai vu les limites de l'amour, y'a longtemps que je fais plus la cour. Oui j'en ai fait des tours, dans la tête, dans la cour. En fait, je suis fatigué, c'est les codes qui m'ont bassiné. Ma vie j'ai consumé, je suis mieux seul car les gens faut les assumer. Aucune envie d'avoir des comparses ou des rivaux. Je traque les dérivés, je fais ma life solo. J'ai connu trop de galères, trop de carrosses, trop de malheurs, trop de salopes. Ceux qui prétendent connaître Jarod savent que ça rime avec Barod. J'impose mes vérités sincères comme un parrot dans Paris. Je me sens seul quand les keufs arrivent, seul quand l'instrumental varie. Seul comme un être humain, seul j'admire la création. Seul dans la cour de promenade ou comme seul dans la cour de récréation. Seul face à l'ennemi, même épaulé par la plus grosse équipe. Seul quand on règle nos comptes, on gava. Donc c'est pour ça qu'on s'équipe. On sait qui et qui, donc on est prudent, c'est logique. Seul comme une balle se logeant dans la tête d'un mec qui devait mourir. Courir pour fuir est inutile, c'est à pas de destination. L'homme est curieux comme la vie, curieux comme la fascination. D'inaction ne me ferait pas changer d'attitude. Je me sens seul mais je suis là pour soutenir Quentin de mes gratitudes. Titube, titube, titube, titube. J'ai eu des amis décevants, m'empêchant d'assez bon. J'suis loin d'un passé blanc, mais le créateur est assez grand. J'ai vu les limites de l'amour, y'a longtemps que j'fais plus la cour. Oui j'en ai fait des tours, dans la tête, dans la cour. En fait, j'suis fatigué, c'est les codes qui m'ont bassiné. Ma vie j'ai consumé, j'suis mieux seul car les gens faut les assumer. Aucune envie d'avoir des comparses ou des rivaux. J'traque les dérivés, j'fais ma life solo. Amis décevants, m'empêchant d'assez bon. J'suis loin d'un passé blanc, mais le créateur est assez grand. J'ai vu les limites de l'amour, y'a longtemps que j'fais plus la cour. Oui j'en ai fait des tours, dans la tête, dans la cour. En fait, j'suis fatigué, c'est les codes qui m'ont bassiné. Ma vie j'ai consumé, j'suis mieux seul car les gens faut les assumer. Aucune envie d'avoir des comparses ou des rivaux. J'traque les dérivés, j'fais ma life solo. La nocturne. Faire du cash à la 7-5. Faire du fric à la 7-5. Faire du cash à la Dawala. Faire du fric à la. Faire du cash à la. Donnez les bails, ma gueule. Je suis sûrement le meilleur dans le 7-5, sûrement le meilleur rappeur qui m'en bat. Les représailles, je les attends, je suis prêt depuis longtemps. Ça fait depuis qu'on m'en parle, mais les mecs viennent pas, je suis triste. On snob le game, on est peu bavard. Y'a pas de balance dans ma team, je te sauve sur une rime. Je suis comme ton baveux gava, demande un nerf ou sous Bilel. Par ici, ça pète des cloisons nasales, tu parles, on te monte en l'air. Trop de balles, t'as cru que c'était la NASA. J'ai mon numéro de sirène. Je fais pas juste la chanson comme Balavoine. J'arrive belle avec Mylène. Je suis venu tout prendre comme Dawala. Dawala, faire du fric à la Dawala. J'suis venu tout prendre à la Dawala. Faire du bif à la Dawala. Dawala, faire du cash à la Dawala. J'arrive du 19, Dawala. Indépendant comme Dawala. Y'a pas de suceur chez nous, y'a pas de balance chez nous. Pas la mon arrive, cachez-vous. RKT les orgues, on va chez vous. Ça vient d'en bas, ça monte à la Dawala. Pour faire du flou à la Dawala. On vient tout prendre à la Dawala. Faire des housses à la Dawala. Alger, Mali, Galzen, c'est pour mes yens, t'es mes kings, les mecs de Balkan comme Harris et Azem. Je vais faire le compte de la SACEM. Je suis comme ce mec qui laisse passer, qui grave ton blast sur une balle, puis qui revient des terres juste pour te la placer. Je m'en peur de faire des envieux. Très étonné de mourir vieux, t'entends des histoires cheloues sur moi. Normal, y'a plus d'un mec qui m'en veut. Je préfère avoir le cul entre deux chaises que le pied de la chaise dans le huc. Dealer You, je suis du meilleur côté de la force, appelle-moi Luc. J'ai pas besoin d'éliminer tous mes ennemis, s'éliminent tout seul. Je leur fous le seum, mon pote c'est le 7-5, on arrive, on va les enterrer d'Yep sous le sol. Tape de seum pour planer, c'est qu'on va tout niquer cette année. On a vu le game, on veut s'installer. Gava lâche l'affaire, on est tous tarés. Les fils de pute n'arrêtent pas de parler. Les fils de pute n'arrêtent pas de parler. Ils écoutent pas que du Bob Marley. Qu'est-ce qu'ils écoutent, moi, qu'est-ce qu'ils écoutent, moi, qu'est-ce qu'ils écoutent, ils écoutent Jared Gallop, salope. Tu connais les bails, on n'arrive pas de salam. Ça vend du crack pour sortir, madame Haram. Bienvenue à Panam. Tous les mélomanes m'appellent Sensei. Démonstration de flow cadencé. Ça fuck la bac. Les mythomanes du rap qui pensent qu'à balle tringue et balancer. Balle tringue et balancer. Balle tringue et balancer. Ça pense qu'à balle tringue et balancer. Balle tringue et balancer. Ça pense qu'à balle tringue et balancer. Galop. Balle tringue et balancer. Salope. Balle tringue et balancer. Ça pense qu'à balle tringue et balancer. J'suis venu pour faire du zé à la dawala. Faire du fric à la dawala. J'suis venu tout prendre à la dawala. Faire du bif à la dawala. Dawala, faire du cash à la Dawala. J'arrive du 19, Dawala. Indépendant comme Dawala. Y'a pas de souceur chez nous. Y'a pas de balance chez nous. Voilà mon arrive, cachez-vous. RQT les ordres, on va chez vous. Ça vient d'en bas, ça monte à la Dawala. Pour faire du flou à la Dawala. On vient tout prendre à la Dawala. Faire des housses à la Dawala. La frappe préventive. Bientôt dans les bacs, my girl. Tu connais les bails, my girl. On laisse jamais le bail, my girl. 2006, bientôt 2005. Cette belle aigle dans l'envoi. La Nocturne avec Jarod et ce morceau donc qui s'appelle Dawala, hein, voilà, en référence au boss du Watibé. Voilà, gros big up à lui parce voilà. Que c'est lui qui m'a poussé dans mes débuts. Ouais, il faut pas donc y voilà. Voir un clash ou quoi que ce soit. Non, jamais sur ce morceau. Jamais. Voilà, Dawala, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Jarod, ouais, dans la Nocturne avec nous, on va attaquer le live d'ici quelques minutes. Jarod, yes, on est prêt, hein. On est prêt. Continue à balancer vos réactions aussi avec le hashtag Skyrock, le hashtag La Nocturne, vos réactions à l'émission, à Jarod aussi. N'hésitez pas. Rappelle-nous d'ailleurs toi les réseaux sociaux pour te suivre, Jarod. Alors vous avez le Twitter, c'est @jarod-caméléon. Vous avez le Facebook, Jarod le Caméléon. Et vous avez la chaîne YouTube, Jarod officiel. Et voilà, le hashtag PPFF pour tous ceux qui sont sur Twitter. Ah ouais, aussi, on peut, voilà, on peut hashtag, y aller. Hashtag PPFF, c'est la marque. Allez-y. C'est la nouvelle marque. Donc voilà, allez-y, allez jeter un œil. Jarod, on retourne avec deux sons encore avant d'attaquer le live. Ouais, alors un prochain son qu'on va clipper qui s'appelle Apologie de la haine, qu'on va sortir bientôt aussi. Et un morceau qui me tient à cœur, c'est l'outro de l'album. Ça s'appelle E. Donc allez, voilà, c'est parti. 75, tu connais les bails, ma gueule. Non. On laisse jamais de faille, ma gueule. Yes. Non. Juste une apologie de la haine, rien de plus. Si tu connais pas le 7-5, on marche ensemble parce qu'on a raté le même bus. Peaufiner des bails dans le sale, négocier l'amitié qui t'a traversé le plexus. Une escalade du partage de Greg au réage de Lexus. Pendant que la foule se demande lequel sus. Rien de plus, on me traque de peur que j'enfante. J'ai perdu l'œil dans la bataille, ça change rien à ce que j'ai dans le ventre. Je connais le feu, je les balade pour être seul. Paumé dans la maudite planète bleue, deux meufs dans la gueule. Malade, tu vis comme ça, tu meurs comme ça. Fuck tes salades, juste un braqueur qui a peur dans le sas. Fiotte, on n'est pas pareil, sortez. Prends-le comme garantie, je vous baisse tant que j'ai la santé. Beaucoup de problèmes à porter. Ils visent la lune, mais la lune n'est pas à leur portée. 10 ans qu'on marche ensemble et y'a trop de trucs que t'as pas clardé. Clic, clic, boum, j'avais chose qu'elle t'aurait dû regarder. À ce qui paraît, tu jactes. À ce qui paraît, tu parles sur WAM alors qu'on se connaît à. Hein? À ce qui paraît, tu frines. À ce qui paraît, tu cries partout que tu commets beaucoup de crimes. Toi et moi y'a rien à voir, on fume tes amis s'ils font les morches. Fais belle que t'es bien trop bavard, t'es le genre de guignol qui raille des Porsches. Salope, veille des Porsches, genre de guignol qui raille des Porsches. Galope, veille des Porsches, genre de guignol qui raille des Porsches. J'vois les mêmes, salope c'est pas les miennes. Tu parles, beaucoup m'amènent. Fais chose qu'elle si t'as la haine, hein. Ils veulent des bolides, j'arrive, j'vous l'avais promis. J'viendrai te chercher dans ton lit, gava, m'prends pas pour un Tommy, wesh. Tu t'es bien rempli les poches, sans wam, salam. J'suis revenu maintenant que t'as pu te rendre l'âme, yes. t'as plus de force, j'en ai beaucoup. Tu frimes mais la rue t'as chez coups. Sur ta gueule, normal, je vis d'un six coups. C'est que j'aime bien quand on pompe seulement, tu demandes l'autorisation. Ils me poussent tous à l'incarcération. Dans mes musiques, je mets peu de narration. Beaucoup de menaces, je suis tenace. Tes beats, ils me prennent pour un pharmace. Laisse beaucoup de rappeurs à la ramasse. Chez nous, y'a du 11 des hommes comme Adama. Sors un bic, gratte un truc avant que la rue te prenne par le huc. Roule un terre, que je me calme, moi j'arrête de guetter ma nuque. L'homme est sale, car l'entourage est sale. Car le quartier est sale. Paix aux frères qui prennent des balles, c'est normal. À ce qui paraît, tu jactes. À ce qui paraît, tu parles sur WAM alors qu'on se connaît à. Hein? À ce qui paraît, tu frimes. À ce qui paraît, tu cries partout que tu commets beaucoup de crimes. Toi et moi, y'a rien à voir. On fume des amis s'ils font les morches. Fais belle que t'es bien trop bavard. T'es le genre de guignol qui raille des Porsches. Salope, raille des Porsches. Genre de guignol qui raille des Porsches. Raille des Porsches. Genre de guignol qui raille des Porsches. Raille des Porsches. Genre de guignol qui raille des Porsches. Raille des Porsches. Genre de guignol qui raille des Porsches. Raille des Porsches. Genre de guignol qui raille des Porsches. Raille des Porsches. Genre de guignol qui raille des Porsches. Raille des Porsches. Genre de guignol qui raille des Porsches. Raille des Porsches. Genre de guignol qui raille des Porsches. Raille des Porsches. Genre de guignol qui raille des Porsches. La frappe préventive est toujours dans les bacs, allez le pécho, bande d'enfoirés. Le 7 mars à la Bellevilloise aussi. Venez nous voir sur scène, venez voir la bête en vrai. Ça c'est... c'est mon morceau préféré ça. Classique. Classique. Au-dessus. Même si mes écrits restent, n'en faites pas des vérités. Épargnez-moi vos théories sur la témérité. Ils se perdent et veulent voir ma gueule sur un poster. J'essaie juste d'être un sourire dans cette ambiance austère. Je maîtrise un peu mon truc, clap, Charles et Basquiat. Je fais de la zig parisienne entre Bagdad et Bastille. Tu veux du gangsta rap, zap le son, je suis pas ce type qui prône l'illicite et qui envoie les plus jeunes au casse-pipe. Je suis dans un bad trip et je crois que c'est ça que j'aime. Et je me défonce un peu plus quand je sens que ça me gêne. À ceux qui me méprisent, je vous ai tant détesté. À ceux qui m'estiment, je vous ai tellement respecté. Et si Pilel était dehors, il serait content de voir que je m'approche de mon but et que je sors moins le soir. Je vends plus de drogue mais je big up à celui qui vide ça. Un CK à tous les vrais gavas qui me soutiennent comme l'IMSA. Et j'espère être un bonhomme comme un poutal. Et je peux pas dire si je vais changer quand j'aurai fait des tales. J'ai déjà merdé, tu peux encore merder. Je suis qu'un humain, dis-le à celui qui veut m'emmerder. Ma chienne de vie m'a mordu et j'ai trop peur de perdre la vie avant d'avoir quitté la merde. Les rues ne sont plus sûres pour un mec comme moi. Et je peux te jurer que j'aurais tellement voulu être comme toi. J'ai bousillé ma jeunesse et ma famille avec. Et j'arrive pas à construire la maison parfaite. Mon passé se conjugue au présent. Et je me vois sourire quand je repense à mes 13 ans. Et les hommes sont bons à trahir. Et les femmes sont bonnes à mentir. Et l'argent a tenu par les couilles des générations. Et le retour de flamme s'opère souvent sans sommation. Et la terre n'est qu'une prison, adieu la vie de rêve. Et j'espère me repentir bien avant qu'on me crève. Je suis qu'une enflure et je le sais, je suis pas de ceux qui se mentent. Et dis-moi plus sur l'amitié, perso je l'ai connu distante. Insistant, j'ai mis le temps qu'il fallait pour l'oublier. Et me parle pas du game, écoute les solos, je vais t'oublier. Le bouclier mental, c'est tout ce qui me protège. Compte pas sur toi, compte pas sur moi, me prends pas pour modèle. La vie c'est beau, la vie c'est pas ce qu'on croit quand on est petit. Vous me condamnez mais je voulais juste protéger mon ethnie. Protéger mon esbi, à croire que toi t'es différent. À t'émanciper dans l'orgueil et fuir tes référents. À prendre de haut les gens quand tu vois qu'ils t'estiment. À dépasser les limites et contempler ses vestiges. Tu te moques de Dieu, tu veux des signes, y'en a partout. Et je serais meilleur si la rue m'avait recalé de sa partout. J'ai maquetté ma vie, impatiemment j'attends le mix. Je crois au destin et j'attends le résultat de celui qui le fixe. Et je peux pas le faire, ce qui malgré tout ce qu'on veut me faire croire. J'aime pas vos éloges, j'ai vu leur mort dans un miroir. Et si c'était le mal qui m'appelait, je te aime et je vais te suivre, c'est ce que je lui répondrais. Vos attitudes mesquintes. Autant que vos regards mesquins et j'ai le cœur meurtri. Suis-je pauvre? Oui je le suis. Je crois qu'il n'y a rien de drôle. Mon frère je t'aime bien. Mais fais ta life, t'approches pas de moi. Tu seras déçu, je suis malade. Je voulais juste qu'il m'aime. Quand même, je voulais juste qu'elle m'aime. Quand même, j'ai rien à donner en retour. Et je t'emmerde, fuck l'amour j'en ai fait le tour. Mais j'en rêve. Et je crois qu'ils m'ont jamais vraiment aimé. Et je crois qu'elles m'ont jamais vraiment aimé. Et c'est de bonne guerre. Je les ai jamais vraiment aimés. Je voulais juste qu'ils m'aiment. Quand même, je voulais juste qu'elles m'aiment. Quand même, j'ai rien à donner en retour. Et je t'emmerde, fuck la mer, j'en ai fait le tour. Mais j'en rêve. J'ai vu la terre et ses fissures. La vie comme un stage. L'être humain s'éblouir devant l'illusion des stars. Loin de ma ville, je me sens si seul. Loin de la ville, je me sens si seul. Et j'ai du mal à faire face. La magie s'estompe. Du mal à faire face. Chaque année, nos braves tombent. Du mal à faire face. Toujours au même stade. Les faibles abandonnent. Déterminer les vrais stars. Et je suis perdu, je regarde ailleurs quelle est ma catégorie. L'atmosphère de mes sons surpasse de loin vos allégories. Allez-vous-en, je suis mieux seul, je suis pas euphorie. Je suis encore la vue, j'ai vu la terre et ses fissures. La vie comme un stage, l'être humain s'éblouir devant l'illusion des stars. Loin de ma ville, je me sens si seul. Loin de ma ville, je me sens si seul. Et j'ai du mal à faire face, la magie s'estompe. Du mal à faire face, chaque année nos bras tombent. Du mal à faire face, toujours au même stade. Les faibles abandonnent, déterminer les vrais stars. Et je suis perdu, je regarde ailleurs quelle est ma catégorie. L'atmosphère de mes sons surpasse de loin vos allégories. Allez-vous-en, je suis mieux seul, je suis pas éphorie. Je suis encore là, vu qu'on m'avait pas dit. J'ai mon tête, j'ex mon tête. J'fais la même et j'perds la tête. J'ex mon tête, j'ex mon tête. J'fais la même et j'perds la tête. J'ex mon tête. Big up à tous nos supporters. Big up à Jazz 31 Jazz. Big up à Juliette et Greg. Big up à Musicast Universal. DJ Panste, DJ Moi, Smirsou. Wawa, Mungava, Alosto, c'est comment? Alpha, Xeno, DJ Xeno est avec nous. Mitch Buchanan est avec nous. Grosse frappe de Mitch Buchanan. Saïd, le Gavux, assistant, Hax, Hax, Babounet, Babounet, tu nous entends, enfoiré, Fous, Sams, Boumara. Oh, big up à mon refrain Booms, Boumara, enfoiré, yes, the. C'est la nocturne avec Jaro de contrôle, donc ce morceau qui s'appelle Et. C'est mon morceau préféré, c'est le morceau préféré de beaucoup de gens. Grave, grave, grave, lourd. Donc, et d'ailleurs, si vous ne trouvez pas les morceaux sur YouTube, c'est normal. On les a pas mis exprès pour que vous alliez acheter l'album. Et là, on va bientôt les mettre. Donc, frappe préventive. Ouais, voilà, frappe préventive. L'album a cartonné. Franchement, on est super satisfait. Grâce à ça, on fait plus de dates. Grâce à ça, on passe un peu en radio, en télé. Donc, c'est cool. Et bah, ça continue et que ça continue aussi en 2015 pour Jarod. Bien sûr. On va attaquer le live. Tu es prêt, Jarod? Ouais, ultra prêt. Vous allez voir ce qu'on vous réserve en live. Salut l'équipe qui est ici. Voilà, toute l'équipe est là. Ils sont venus pour soutenir. On va froisser ça. Allez, c'est parti. Coup d'envoi du live. Jarod maintenant dans la nocturne. 100% rap français sur Skyrock. Wow, wow. 75, on est à l'enfoiré. Tu connais les bails. Vapeur chaud, la frappe, enfoiré. Dans les putains de bacs, yeah. 7-5, on est hal. 7-5, on est hal. 7-5, on est hal. 7-5, j'ai connu la guerre avant de connaître l'amour à Barbier. Tu sais ce qui t'attend, gars, si je te vois zoner dans le quartier. Qui écrit mes Stalingrad. Tu veux affronter l'équipe histoire de monter en grade. Rafale sur le terrain, amener S doré. Faut les Yoku pour tirer, faut le Davo pour gérer. Ils parlent de Glock, motherfuck. Ils en ont à frelon. Quand ils en ont, ils s'en servent. Ah, ramène-moi à frelon. Mets le tard aussi que Tru est propre, sinon c'est moins de l'homme. 24 novembre, enfoiré d'album. J'ai rencontré les keufs. J'ai regretté à mort quand j'ai rencontré les keufs. J'aurais dû mettre du bif de côté avant d'aller faire la teuf. J'ai regretté à mort mon pote, ils m'ont calé dans l'œuf. Et je vends mon queue truc comme la dope. Ça rafale comme la dope. Tu fais du bruit comme la dope. Ça défonce comme la dope. Je vends mon queue truc comme la dope. Ça rafale comme la dope. Ça livre poivre comme la dope. Ça défonce comme la dope. Ça rafale comme la dope. Ça défonce comme la dope. Ça rafale comme la dope. Ça livre poivre comme la dope. Un œuf depuis l'époque. Un œuf depuis l'époque. Ils font les favous, tu les verras jamais en bas de mon bloc. La paix avec le bloc. À chaque fois ça vous choque. choc, ils nous comprendront jamais, on fera la paix avec le Glock. J'ai la tête dans les teux cons, j'ai besoin d'avancer, donc va leur dire que si je leur laisse un délai, c'est pour les baiser plus fort, ils vont bien sortir d'avant. Y'a pas Timini qu'on veut tailler péter. T'as même fait une photo. Et kiffe les 11 de malade que je F, c'était bien moi sur la moto. J'achappe le steak, j'ai une bête de scène, j'élimine les fakes, j'ai la dalle depuis que du bon tosmage, des hommes dans le son, j'ai besoin d'un vrai plan d'un diagnostic. Il me faut des taltes, j'avance sur la paille, on est wet normal, on arrose le bal, on arrive en bas. Et je vois mon truc comme la dos, ça rafale comme la dos, ça défonce comme la dos. Comme la dope, comme la dope, ça défonce comme la dope, ça rafale comme la dope, je fais du bravi comme la dope, ça lit le poivre comme la dope, ça défonce comme la dope, je vends mon que truc comme la dope, ça défonce comme la dope, je vends mon que truc comme la dope, ça défonce comme la dope, je vends mon que truc comme la dope, ça défonce comme la dope. Enfoiré pour tous nos gauches stars, on est là, envoie-nous un autre truc, Fred, s'il te plaît. 75, on lâche rien. Croco, Gavu, c'est là. Et là, et là. Wah wah, wah wah mon gars, wah wah wah, c'est dans les yeux bas. On est là avec les gars vu, ok. Petite frappe, 156, petite frappe, petite frappe. Viens pas me raconter ta vie, poto, j'suis sur un vibe. Gava, je fais le foot devant l'équipe, tu t'étonnes quand j'sors un Nike. Si, si, donne le contrat, j'paiera pour les thunes, pas pour les likes. Sors un Mike, si pue la merde, c'est parce qu'ils sont sous mes nerfs. Sur les Dexter, Gava, j'suis dans l'expertise. Quand j'détruis des phases B, c'est juste un exercice. Leur appel faire et posséder, normal, les mecs sortis. Ils font les restes à son niveau, donc faut qu'on l'exorcise. Beaucoup de haine à donner, j'écris des trucs de malade. J'ai pas le temps, j'veux de la monnaie, viens pas me raconter tes salades. Moi j'essaie de rester bavon, j'sais que mon équipe est solide. Tu me dois des soupes et moi si tu veux pas que j'te prenne ton bolide. Fais le gangster, passe un mauvais quart d'heure, 156 quart d'heure. Tu connais les trucs, sans un hit, ou alors ferme ta gueule. Viens écouter quand on kick. Petite frappe, petite frappe, petite frappe. Raconte ta vie, on sait que tous les petites frappes. J'ai un chrono dans ma tête, ça fait tic-tac. Je connais peu de mecs clean, donc je fais les zigzags. Petite frappe, petite frappe, petite frappe, petite frappe. Tu fais voler par ta team, team, petite frappe. Tu fais le voyou victime, vers chez nous ça kidnappe. Dans les ghettos pété où ça suce pour un big man. Au cas où tu m'as senti, j'ai des inimitiés partout. J'ai coffré mes cartouches, tout le monde m'a dit j'avoue t'es trop chaveau, tu les frappes tous. Je suis pas dans vos partous, encore moins dans vos sales coups. 75019, on est nombreux comme les gendou. Bah les couilles, tu gendou. J'ai des gavas de Panama, New York, under, under, one, two. Je fais des tales qui sont pas halal, ça m'embête un peu, j'avoue. Ça va être bye, vous équipe de foulée à la roue. Je suis dans un bail prêt à fumer pour la maille, prêt de faire un nouvel orifice pour que tu sentes la vibe. Le canon d'un calibre, allons pas ta huck. Même si t'as fait du zone tall, on s'en bat les yeux. Fuck les balances, rock et galop. Big up si tu touches les alopes. 5 sur un bonhomme, t'inquiète salope. On t'aura quand tu seras solo. J'te raconterai l'itinéraire d'un jeune boss. Le genre de gens qu'on arrête up avec un coup de crosse. Petite frappe, petite frappe, petite frappe, petite frappe, petite frappe, petite frappe. Petite frappe, c'est des CD, petite frappe, petite frappe, petite frappe, petite frappe, petite frappe, la petite frappe, petite frappe, petite frappe, petite frappe, petite frappe, petite frappe, petite frappe, petite frappe. On est en direct de Sky, l'album est encore dans les boîtes. C'est autre chose pour nous. Big up, le gauche star, Fleury, Fren, connais les bails, Santé, Nanterre, connais les bails, nos gavas dans les neufs, RQT, les gueuxors, 4K, Valdé, 7-5, Bougali, 9. 7-5, yeah, nia, ouais, autre chose. Ouais. Allez, pécho l'album. On est encore là pour une session freestyle. Restez branchés. Vous êtes sur Skyrock avec Jarod, le caméléon. Big up à Yester, mon sauce. You Yester, c'est comment? Ha. 7-5. Ok. Prends tout ce que j'ai. Mes putes, mon talent. Mes amis, mon rap, mes biens, je serai plus léger en y allant. Je rendais compte à l'unique. Si je tire, j'aurais pêché. Puis que je suis type on me je fais des têtes à tête. Maintenant j'ai l'âge de tricher. Tricher, tricher, tricher. Je suis un gosse, j'ai pas grandi. Papier. Je fais du mal que pour prendre du papier. J'allume le monde qui m'entoure et je démonte celui qui veut me faire rétir. T'appelles de l'aide dans tout Paris, entends Jarod, les mecs se retirent. Je n'ai rien à donner, tu veux chose qu'elle, tu y paies Gava. J'ai passé ma life à zoner, je suis dans le rap, j'ai rentré le brava. Un 9, gueuseur, un 5, 6. Tu fais le malin, ton rap, c'est mon fils. J'ai pas le niveau de ces mecs, c'est nos vices. Personne balancé sur la notice. 7-5, mais les watts, petite frappe, s'explique dans le temps pour les hacks. Sur scène, y'a du monde, vous snare, dis-leur, on a rigolé dans l'illégal. Tous les allumés nous battent au minimum, on va les wet pour Paris. Je fais la diff dans un rush, j'ai pris ton label dans le vrai, dans la blush. Je me lève pour ma part, ils font du RAP pour faire les stars. Je nique le game pendant qu'ils partent, ils mettent leurs cheveux au niveau de ma barre. Tous ces mythomanes ont voulu faire un autre mec. Mais le mec, c'est WAM, je jette sur le tech. J'ai du mal à faire, moi j'ai décollé, j'ai peu de frères. Ma chérie, tu veux l'amour, vas-y, monte à l'arrière. Guise mon gars, baba et sorry, bah. C'est la minute corrida, je fais du son rita. Animé devant Vendetta, je ne vomis pas, 7-5 comme d'hab. J'rappe, je ne copie pas, fuck pas de copinage, je fais de l'audimat. J'frappe à la Tony Jam, mon ami, c'est le flow qui part. On arrive relou, on arrive relou. On est connu dans le 9, on sait F solo, pas d'équipe chelou. Pas d'équipe chelou. Tu codes dans le vent, tu les perds tout le temps, mais tu F walou. Mais tu F walou. Mais tu F walou. Ton équipe est chelou. Si un jour tu décides à faire chose qu'elle, on est dans le saloon. On est dans le saloon. On est dans le saloon. On est dans le saloon. On est dans le saloon. On est dans le saloon. Si un jour tu nous cherches, on est dans le saloon. On est dans le saloon. Tu les perds tout le temps, tu les perds tout le temps, mais tu F walou. Un jour tu nous cherches, on est dans le saloon, on est dans le saloon. Tu connais les bails, ma gueule, ça casse des bouches dans la jungle. Je mets de la haine même sur un single, tu tapes des meufs pires que Marla Singer. Mon gars va rappeler tant, on nous baisse pas. Non. Ça sème les keufs sur un Vespa. Tu me sers à compter mes bacs, je m'en fous de ta main. Tu fais le malin, qu'est-ce que t'as? Tous ces fils de lien veulent m'apprendre à me comporter. T'as des problèmes avec tes couilles, c'est peut-être la gueule de ta portée. Dans le 19, y'a beaucoup de salons. C'est bien, mais les mecs saluent. Salut. Touche pas, tu mérites la lame. La lame. Plus clair, c'est peut-être la lune ou peut-être la seule. Tu me dois des tâches, tu dors, je vais peut-être annuler le délai. Ferme-la dans le queutru, y'a pas de pollen. J'occupe plein de postes à la Dembélé. Dembélé, chez nous. Chez nous. Tu check des putes, c'est la fiche. Ficha. Tu check des pots qui t'es fichu. Le mec, ça nique à l'heure de la riche. Un archétane. En I. J'ai pas besoin d'être ton ami. Je vais fumer le game. J'ai 4 managers. On va dégommer les bacs en mode tsunami. Mon gars, j'ai pas la tête à faire des blessés. Vous savez, au millimètre, ils comptent les décès. J'ai déjoué la défaite, j'peux rappeler encaisser. Ils ont rêvé la bête, j'vais appeler l'essai. Sushiman, on coupe tes têtes comme un Sushiman. On coupe tes têtes comme un Sushiman. Passé comme un Sushiman. Wouh! Sushiman. Tête comme un Sushiman, coupé comme un Sushiman, précis comme un Sushiman. Je vais parrainer ta chute, entouré de mecs solides. Je fais que de marquer des buts pendant que tu loues des bolis. Poto, va tartiner ta pute. Bolis, bolis. Avant qu'on te fasse une folie, tu te prends pour son Goku, je suis broli. 75, on est là. 75 est toujours là, 19h. Le 7 mars à la Bellevilloise. Achetez vos places sur CJT. Je suis broli. Et Fnac, t'as autre chose pour nous, Fred? S'il te plaît. On est en direct de la nocturne. Ça parle peu, frappe fort. Chez Tata. PPFF. Tu frappes peu et parles fort, enfoiré. Mon ami. PPFF. Brrr, mon ami. Ok. Chez Tata. Oh. On les baise normal. On les baise normal. Normal, normal. On les baise normal. Normal. On les baise normal. On les baise normal. On les baise normal. On les baise normal, on les baise normal. On les baise normal, normal. On les baise normal, on les baise normal. On les baise normal, normal. Je suis avec vous, Schneer, on les baise normal. Normal. On les baise normal, normal. On les baise normal, on les baise normal. On les baise normal, normal. On les baise normal, on les baise normal. On les baise normal, on les baise normal. On les baise normal, on les baise normal. Ok, yeah, ok. Juste une apologie de la haine. Rien de plus. Si tu connais pas le 7-5, on marche ensemble parce qu'on a raté le même bus. Pour finir des bails dans le sang, négocier l'amitié qui t'a traversé le plexus. Une escalade du partage de Grec au Réal de Lexus. Pendant que la foule se demande de quel sus. Rien de plus, non, non. On me traque de peur que j'enfante. J'ai perdu l'œil dans la bataille, ça change rien à ce que j'ai dans le vent. Bon, je connais le feu, je les balade pour être seul. On met dans la maudite planète bleue. Deux mèches dans la gueule. Malade, malade, tu vis comme ça, tu meurs comme ça. Fuck tes salades, c'est un braqueur qui a peur dans le sas. Fiotte, fiotte, fiotte. On n'est pas Paris, sortez. Prends-le comme garantie, je vous baisse tant que j'ai la santé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes à porter. Ils visent la lune, mais la lune n'est pas à leur portée. 10 ans qu'on marche ensemble, et y'a trop de trucs que t'as pas gardé. Clic, clic, clic, boum. J'avais chose qu'elle t'a regardé. On les baise normal, normal, normal. Qu'on les baise normal, normal, normal. On les baise normal, normal, normal. Qu'on les baise normal, on les baise normal. Normal, normal, normal, normal. Qu'on les baise normal, normal, normal. On les baise normal, on les baise normal. Qu'on les baise normal, on les baise normal, normal. On les baise normal, normal. On les baise normal, on les baise normal. On les baise normal, normal. On les baise normal, on les baise normal. On les baise normal, on les baise normal, on les baise normal. La nocturne, ok, la nocturne. C'est comment? C'est Marcel la Bellevilloise. Allez, venez, vous allez voir la bête en vrai. La ok, bête. 75, enfoiré, enfoiré, enfoiré, enfoiré, enfoiré, enfoiré. Notre épopée chaotique nous a prouvé qu'on était dans le faux. J'ai peur pour nos âmes, au fait, j'espère que tu comprends le flow. On arpente des pentes plutôt glissantes, nos plans dépendent des ventes. Ça me tente tellement de descentes, les descentes, les descentes. On aime ça, mais les descentes, ça finit en bas. Putain de merde, j'ai buté, j'ai surtout déçu mes remparts. Putain de merde, j'ai pas le PG, surtout roulé des gros terres. 156, on a pas gueule, rien que sa mère, les quotas. Big graveur de l'année, les 4 on est nominés. C'était pas bon l'époque quand on ramenait des meufs au ciné. C'était pas bon l'époque quand on ramenait des meufs à l'hôtel. Maintenant l'hôtel c'est devenu un putain de cauchemar. Tu vas monter en cavale pour pas finir au star. Ou quand le daron te fout à la porte parce que tu rentres trop tard et ça te rappelle la tôle. Trop de vécu sur tes côtes, t'as tellement de morts que tu commences même à jalouser tes potes. Tu comptes chaque dollar autour un tas de connards qui te guettent, mais tranquille car t'as gardé tes bras là. Donc si y a dra, y a pas dra car t'es toujours prêt à l'assumer. Avec en plus une petite sécurité planquée sous le sommier. La culture de la destruction, arrodé dans la street, sans équipe, épaulé par tes pulsions. Poliakov, joint de seum, déambulant ta carcasse. Sans mi-père, sans assurance, prêt à courir en carcasse. En mode comptabilité, en mode rentabilité. T'as entrepris des vrais bails, sans pourtant y être habilité. Pour percer ta militaire, équipe est-elle un militaire? L'utilité d'un globe, chez nous c'est une question qui se pose pas. Si on brouille, si y a un mec qui veut plus payer le cosma. Ça c'est un truc que comprendront jamais les mecs en costard. All Star Game, tous les jours, zinc, on zigzag sur terre-terre. On a sur le spectacle, dans le 7-5, la tôle. Y'en a que ça tue, y'en a que ça ressuscite. Chez nous c'est rempli de mecs qui ont jamais côtoyé la réussite. L'illicite, chez nous c'est logique. Pas de thune, pas d'issue, tu fais quoi si tu cogites? T'attrapes un brolic et tu montes au casque. Compte pas sur les castings. Même avec un bon CV, tu seras pas pris, c'est sale team. Laisse place au bis sur ma tête, j'agonise. Quand je pense que pendant que tu bosses, y'en a qui appellent la police. Tu changeras rien, là ma vie elle changerait rien à la tienne. Je suis aussi sale que mon B, donc faut qu'on trinque à la tienne. Chin chin d'un coup, les fêtes approchent, ok, je suis Père Noël avec un cinq coup. C'est mort qui va miser sur un cheval à qui manque une patte. Rayon c'est connu en tôle, alors ne m'encule pas. Franchement, j'ai mal au cul pour ceux qui payent de l'eau. Et je ressens ce truc un peu bizarre quand je vois des scènes de l'eau. Je connais des mecs qui sont morts mais qui sont toujours hâles. C'est toujours hoche dans les halls, c'est toujours aussi sale. Boy. C'est toujours hoche dans les halls, c'est toujours aussi sale. L'histoire commence dans la 9ème zone. J'étais petit, j'avais le seum. À l'époque des tam-tams et des soirées d'ensol. Toujours acéré des meufs, gâchés pour jusqu'à les keufs. Toujours entouré des boules, si tu connais pas, shut up. Check, check, à Paris c'est la jungle. Harcelé par le proc, la police et les junkies. Menotter la bague sur un beat un peu funky. Ouais ça c'est mon rêve, pas besoin de faire des banques. Pendant que je te parle, ça défourra y'a Compton. 7-5 représentant, je fais pas du com-com. Ces bâtards de rappeurs qui sont bons qu'à jacter. Moi je suis pas qu'un acteur, j'ai ma drogue à tracter. Las, stock, stock, j'en ai mis des coups de crosse. J'ai croisé des mecs qui ont tellement les crocs qui te bouffent. Un seul on m'a dit, Jarod, t'inquiète, on est là. Merci, je suis en tôle mais je m'en sors, vous inquiétez pas. J'sais ce que j'ai pas loupé quelque chose. Ça parlait de drive-by, avant j'étais peut-être chaud. Moi j'avais mal quand ils bombardaient Bagdad. Des fois je pense au monde en méditant sur mon plat de pâtes. Dans ma cellule j'hésite entre golf ou 4-4. Ça me gave, l'ego qui flambe et finit sa 4 pattes. Le songe d'un soir d'hiver dans la prison nantaise. Je veux pas mourir centenaire, mais je veux pas commenter. Non, sans aucun commentaire. Aucun commentaire. J'ai mal au crâne, hein. Moralité magnifique, mentalité maléfique. J'ai fait du mal dans ma vie, chez moi ça crie sur les chemises. Un repentir sincère, avoir du pif sincère. J'ai de finir aux assiettes, adieu la belle princesse. À bout, je te cache pas que je suis à bout. Entre nous y'a pas de tabou, pourquoi tu quittes la boue? Y'a plus rien comme à l'ancienne, je me suis fait balancer. Ça jamais je vais laisser, je suis blessé, mes pensées me rongent. Je veux un ensemble orange pour pouvoir me faire la main. Les surveillants me dérangent, mon co-détenu me dérange. Même si je l'aime bien dans le fond, ici j'ai vu la souffrance, un mal de vie profond. Et toutes les pompes qu'on fait, ça rime à rien, pauvre con. On veut quitter le placard avec des corps flégons. En direct de la Nocturne avec Fred. Session live à l'instant. Merci voilà. Jarod en tout cas pour cette première heure dans la Nocturne. Merci à toi Fred de nous avoir reçus encore une fois. Et on va rappeler que Frappe Préventive est dispo tout de suite. On peut aller cliquer les récupérer. Voilà, sur iTunes, dans les Fnac si vous voulez l'acheter en physique. On se déplacera aussi pour le Freestyle Tour. On est en concert le 7 mars à la Bellevilloise. Ouais. On sera le 7 février. Zénith. Ouais, voilà, Zénith en première partie de 2 Chainz. Vraiment gros big up à tous les gens qui nous soutiennent parce que c'est grâce à eux qu'on arrive encore à exister. Avancer. Tu vois, parce que c'est eux qui achètent, c'est eux qui viennent au concert. Merci à toi Fred pour avoir soutenu depuis le début. Franchement, ça tue parce que voilà, c'est toi qui nous donne accès à la radio, tu vois, Skyrock. Donc ça déchire. Et bah, vous êtes les bienvenus, t'es le bienvenu quand tu veux. On viendra. Merci à toi Jarod. Et gros big up à toute l'équipe, tous les gens qui ont bossé vraiment sur le projet. Universal, Musicast, Juliette, Greg, le Golden Crew, Nervous, Diez 31 Diez, Mitch Buchanan, Baptiste Yarman, tous les beatmakers qui ont bossé sur le projet, que ce soit Verbal, que ce soit voilà, Kujo, gros big up à lui, ouais, qui nous Kujo. Écoute du Canada, j'espère. On était là la semaine dernière avec lui. Voilà, Misa, la semaine dernière, on était avec lui. Donc, vraiment, merci à tous les gens qui soutiennent, tous les artistes qui nous soutiennent. On arrive. 2015, c'est pour nous. Et ça continue. Et puis le Diez PPFF. Voilà, le Diez PPFF, vous allez le voir partout dans Paris cet été. Merci à vous, merci à toi, Jarod. Merci à toi, équipe. La Nocturne continue maintenant. Ciao. La planète rap sur Skyrock. Nocturne. Allez, ça continue la Nocturne avec Lino. Sur Skyrock.

c'est que du cinéma. Kassim a fait ci, Kassim a fait ça. C'est le haramiste de la psychiatra. J'ai invité Booba, je sais que tu vas parler. Dans mon album, y'a pas son bras. Tu vas encore plus parler, tu vas parler, tu vas parler. 10 ans qui passent à la radio, je l'ai vu rouler en Clio. Tatoué, ce n'est pas un combo. Sa place, c'est le prise par jour. Je l'ai vu au Paris Cool. Il parle que du quartier, il s'est jamais fait embarquer. Tu vas parler, tu vas parler. Son groupe, c'est du commercial. Ça rap plus, c'est de la chorale. Ça marche plus, ils ne sont plus à le. C'est peut-être la faute d'Alonso. Il fait que son bégué. Il a trop changé. Depuis qu'il a divorcé, tu vas parler. Star for life, parlent tous de moi. Ils me connaissent pas, c'est que des mythomanes. Quoi que je fasse, je sais que tu vas parler. Star for life, parlent tous de moi. Ils me connaissent pas, c'est que des mythomanes. Quoi que je fasse, je sais que tu vas parler. Star for life, parlent tous de moi. Ils me connaissent pas, c'est que des mythomanes. Quoi que je fasse, je sais que tu vas parler. Star for life, parlent tous de moi. C'est que du cinéma. Il m'a dit qu'on parlait de moi. Elle t'a dit qu'elle m'a dit qu'on parlait de toi. Je dirais Dieu pour tous et chacun pour soi. Téléphone arabe débranchez-moi. Je sais pas pour combien de temps je suis là. Tout ce que je sais c'est que tu nous atteins pas. On mettra le feu à ta grosse langue de bois. 25 juillet, je suis un lion, je n'aboie pas. Je n'aboie pas. Je n'aboie pas. Planète Rap 100% Explicit Lyrics. Mamoudou, on t'a désigné pour ton gros cul. Ouf, ouf, j'ai que des idées saugrenues. Mon pardon, t'auras mon crachat royal, héritier de nous face à. Vous coupez les bras jusqu'au moignon, vous méritez que je vous fasse ça. 9 mm par Uzi, comme mes vatos de Saint-Lucie. Au lieu de péter ma brogne plus tard, je peux changer ton verre d'eau au connard. Sous le menton, j'ai une crinière, c'est Ringetti dans la moelle épinière. Même quand tu seras 6 pieds sous terre, tu n'auras pas encore assez souffert. Laisse-moi faire des thunes et des fourrailles sur les Ariens. L'achat ne s'en réveille pas sous les dunes comme un tchadien. Il t'en reste encore sous le pif, mais je serai muet comme une tombe. S'il te plaît, vite garde ton soutif, surtout si t'as les seins qui tombent. Magnum, Magnum, 357 Magnum, Magnum, litron de siroc Magnum, Magnum, Porsche Cayenne Turbo Magnum, Magnum, avale ma glace comme un Magnum. J'suis dans le carré, bande enculé. J'suis dans le carré, bande enculé. J'suis dans le carré, bande enculé. J'suis dans le carré, bande enculé. Avec mon 357 Magnum, avec mon litron de siroc Magnum, les clés du Porsche Cayenne Turbo Magnum, avale ma glace comme un Magnum. J'arrêterai de la ramener quand j'aurai tout dit. J'rentrerai à Niamey ou à Djibouti. Rien n'est jamais acquis, rien n'est abouti. J'dois encore les traquer comme des agoutis. Le flou est prodigieux et intemporel. Je mets de l'eau dans tes yeux et sur l'aquarelle. Si je pars en guerre comme Marc Aurèle, zéro sera ta température corporelle. Je suis pas venu mettre le doute dans ta tête. Je veux juste mettre du foot dans ta chèque. Je suis dans tous les virages comme la dame blanche. Même les traits d'humour sont à la crème blanche.

faire. Une arme monde, ça n'a pas de prix. Laisse nous faire la bijouterie. Faut bien surveiller ton fils mon rêve, si tu veux pas qu'il glisse, qu'il glisse. Ton rappeur préféré t'a placé dans les coulisses. Elle pense au pire en écartant les cuisses. J'ai carné avant qu'il finisse, finisse. J'ai dormi au fond des abysses, abysses. J'attends que les tâches remplissent. Y'a pas que nos enfants qu'on dépose chez la nourrice, nourrice. Les autres heureux. Ils ont trop rappé, ils parlent au micro. Je te la fournis. Je te la fournis et je repars aussitôt. Je veux pas me faire péter. Je veux pas me faire péter et puis finir au dépôt. Je suis mal poli. Je suis mal poli, c'est de la faute à Sarko. J'ai pas le même flow, je rappe pas comme les autres. Je ne suis pas un perroquet. Un perroquet, j'ai pas les mêmes crocs. J'ai bouffé la rue avant de perdre mes dents de lait. Mes dents de lait. Le canon est chaud, la haine est toujours là. Même si je finis au frais. Finis au frais, j'ai mal au dos. Je suis pas à l'aise dans ces putains de chaises baquées. WWT, je vais vous faire que de la frappe avant de me faire péter. Nocturne 100% rap français, Warm Tea dans la nocturne. Et ça continue, on va découvrir une autre jeune pousse qui pousse depuis un bon petit moment aussi. Il s'appelle Krix et sa Krix Family. Le morceau Bonne Année. Planète Rap. 100% rap français. Amé, amé, oui. Amé, oui. 2015, Ré. On va tout baiser cette année. En attendant le tsunami. On va tout baiser cette année. Donc ma gueule prévient mon ami. Ah mais oui, ramé je suis. Cette année je vais tout baiser. Demande à mon gars mais je suis. Ok jamais je suis. À court de flow. Quand ton point d'allumé ta grand-mère la pute. Et ben sache moi les gros c'est jamais pour de faux. Ah, ils font que de la trappe, ils m'ont saoulé, saoulé. Projecteur, tu saoulais, fumé. On sait que tu tapes pour les poulets. Mon gars s'abrime à 10 séries, il laisse couler. Ils font les fous, mais la vie de ma mère, qu'à 15, on va dépouler. Yeah, qu'on fout pas l'amitié et un billet de sang. Car pour un billet de sang, ton pote peut laisser à terre un bipé de sang. J'ai un kick et sang. Aucune retenue, un perdu ni de retrouver. Mais du cimetière, personne n'est revenu. Il y a des salopes, j'appelle le vieux mon négrier. Tu veux me carotte, mais t'es grillé. On prend pas pour un lévrier. J'enfile la capote, le rap français, je le fais crier. Comme dans Calof, t'allumes ta mère, je te cache sous les vies. Cette année, on va tout baiser. Cette année, on va tout baiser. Pour rappeler, je vais pas attendre que vous taisez. J'ai comme une envie de tout baiser. Ouais ma gueule écoute ta mère j'y lève toi. Représente toutes les caillas. Écoute le son du 9-3. Auto j'ai pas le temps d'écouter tes stories. La concurrence je la baise ouais négro c'est horrible. J'veux que Pythagore et ses théories. J'ai mis ça vendre la purée les tout près. I'm in love with the coco. Tête de mort sur le logo. Fendi, Zanotti, couleur coco. Surveillez vos gos. Mes lascars sont trop beaux. Pas de repos. Race avant de la repue. Pendant que tu sors, tu respawn. Moi des gros billets, j'en veux plus. C'est gros, plus tu me critiques, plus j'évolue. En brouille, ça sort les armes et le problème est résolu. On mène des buts par jour, donc le soir solo ça pleure. On peut pas voir la vie en rose si la juge nous fait pas de fleurs. Nico, ne dis jamais mon place au bigot. C'est pas les gens qui changent mais les masques qui tombent. Manda au bito. Cette année on va tout baiser. Cette année on va tout baiser. Pour rappeler, je vais pas attendre que vous taisez. Perso, j'ai comme une envie de tout baiser. Ouais, ma gueule écoute ma mère. va tout baiser cette année. En attendant le tsunami, on va tout baiser cette année. Donc ma gueule prévient mon ami. La vie de ma mère, mon gars. Ma mère, mon gars. MEX, MEX. Rap français, planète rap. La nocturne. Le business, c'est comme un tour de bicyclette. Parfois, il faut mettre un frein à l'amitié ou se prendre la selle dans le derrière à cause d'une pédale qui déraille parce que c'est toi qui tiens le guidon. Mais quand les affaires dorment et que la pente est trop escarpée, change de vitesse, change de vitesse, change de vitesse, change de vitesse. Escobar Maxon dans la nocturne. Seul contre tous comme un Amandine et Jade. Moi et mon style nucléaire, je rappe pas pour les ménagères type Amandine et Jade. Le hip-hop, c'est un film porno gay avec l'inceste. Tout le monde peut fourrer tout le monde, même entre frères dans un champ de muguet. Wesh ma gueule, je m'en trahis pour des avances, mais t'as eu tort. Je te pardonnerai que le jour où tu mangeras du porc. Jamais. Maquille la musique, on fournit les médicaments sans ordonnance. Qui veut finir dans le frigo sans passer par l'ambulance? Venu comprendre et non attendre. On crée le label grâce à Dieu. Ah ouais. On est monté pas pour descendre. Jamais. Il vaut mieux faire que prétendre faire mieux. Viens dans le shop, on a du matos. Hein. C'est pour les vrais, les chauds, les cassos. On s'en bat les couilles, tu t'en parles pas ma vie au jaloux. Migraineux, on guérit les maux de tête avec une bastos. Ceux qui ont pas cru en nous sont des prostituées. Je pose ma brosse en brosse. À grosse dose, on reprend du poids et les mêmes reviennent postuler. C'est monsieur Punchline, t'as pas encore compris. J'suis tellement en avance que même ce que j'ai oublié de ce game, tu l'as pas encore appris. J'ai trop de love pour mes blagos, love pour mes rapsa, love pour mes partout, love pour mes portos. J'ai trop de love pour mes latinos, love pour mes asiates, love pour mes manouches, encore love pour mes blagos. Ma boîte crânienne, c'est une pièce à outils. Si j'fais la pince, c'est que tu vois pas un clou. Tu crois que j'suis marteau alors j'ai trop de vie. J'suis en haut de ma pyramide, ni pharaon, ni Illuminati. Personne ne me commande. Si t'es un traître, je te zappe, j'enlève les piles de la télécommande. Je serai jamais une star, juste une étoile filante. Ma carrière derrière une barrière, je viens pas pleurer devant et rigoler par derrière. On reconnaît les vrais qui passent mes titres dans leur radio, mes clips sur internet. Si c'est pas fait, ils vont le faire ou aller se faire mettre. Ça sent la street, mon style est street comme mon district. Si tu sais pas distribuer mes disques, va te faire enculer toi et ta distrib. Je suis un roi comme Kofi ou Erason, Fali, JBM, Piana, Ferré, Bill Clinton, Didier Lacoste, Papa Wemba, Saïko, Félix, Oise, quoi, Emilia, Kim Kester, Blaise Boula, Tata Mobich, Pépé Calé, Alain et Bouron Pella. On fait du chiffre, pas de billets de Monopoly. Restez police, Escobar, Maxon, alias Tony Bamboula, son monotonie. En interview, ne me pose pas de questions stupides. C'est comme faire un drive-by en Philippe. Bordel, soyez précis, Spin. Maki la musique, DJ Andy Esco. Mais qu'est-ce que tu peux faire sans eux? Tu veux un featuring? Passe à la caisse, c'est 500 eux. Rajoute même un zéro. De Kinshasa à Brazzaville jusqu'à la bande de Gaza. En passant par Gaza, c'est Escobar Maxon. Tu sens moins 7 écoles des beaux-arts. Ville tanneuse. Quand je rappe, jeune homme, regarde-moi dans les yeux. C'est du drive-by ferme. R.A.N.I. la tragédie à la production. Joseph le drame et Arwan sa cocaïne. C'est l'équipe, toujours le même. Et je méprise les blancs qui se prennent pour des noirs. Les noirs qui se prennent pour des arabes qui se prennent pour des juifs. Et les juifs qui se prennent pour Dieu. Ma communauté c'est le hip-hop, tous à la même enseigne. La nuit tous les chats sont gris. Et les renois qui mettent pas de crème aussi. T'as compris? Certains achètent le silence, mais il faut que t'achètes mon boucan. Négro, sinon tu fous le camp. Fais pas l'imbécile. Un couteau dans ma main gauche et tu verras qu'il n'y a pas que le métier qui rentre. www.escobarmaxon.com 100-7 à la vie jusqu'à la mort. Dosé, dosé. Ma casse le kimengi dit dosé.

font que nous parler du mariage homo. T'as vu, ils agressent nos soeurs voilées, ils en disent pas un mot. T'as vu, tu ne l'as pas vu dans la presse ni aux infos. T'as vu, les extrémistes grimpissent en pleine promo. T'as vu, 400 millions d'euros sur le tapis. Avoir des potes au gouvernement, c'est gagner au loto. Pas vu, pas pris, pas ta carrière pour une petite gâterie. T'as vu, de Zeda Azaï assume sa billacherie. T'as vu, le succès c'est de la poudronnée, Samina série. T'as vu, c'est la pénurie, tout le monde protège ses intérêts. Ton poutine, malgré les tueries. T'as vu, c'est le merde en Corse. L'atmosphère est tendue, passage en force, une rafale, un fil descendu. Sans pas les coups du chômage, rien que ça croque le fruit défendu. T'as de la rebut, bien vu, mais baisse ton prix, t'as vu. Ils ont eu ben la day, mais ça dépouille, t'as vu. T'as vu, t'as vu, élevé à la redue. T'as vu, t'as vu, comment le monde est cru. T'as vu, t'as vu, ils veulent censurer mes écrits. Mais sont morts dans le making of car la révolte vient de la rue. T'as vu, t'as vu, élevé à la redue. T'as vu, t'as vu, autour de nous rien ne va plus. T'as vu, t'as vu, wesh qu'est-ce t'as cru. Sans pas les couilles de ton avis, y'a que ceux qui baissent qu'on invite, qu'on invite. Hey pour eux, ils rendent les frérots aveugles, t'as vu. Combien de mères en deuil, combien de femmes veuves, t'as vu. T'es plus à l'aise dans une cellule, dans un cercueil, t'as vu. Tout ça parce qu'on veut briller jusqu'à t'en faire perdre la vue. Ils me font trop marrer tous ces enculés de l'ardu. Font du voyou sitting dans leur plan qu'on garde à vue. Vas-y doucement dans ta perquise, va y avoir du grabuche. Je dis fais ta gueule et j'y laisserai mes paluches. Vive, vive la coke, vive le crack, vive le shit. Les schlags deviennent nervas, mutilés comme les shit. Partout c'est la crise, sac d'amis et plein de fric. L'état veut nous dépouiller pour remplir ses caisses vides. J'ai le cul entre rêve et cauchemar, t'as vu. Élevé comme un rasoir pour boire la frêle histoire, t'as vu. Je vais tous les baiser tous en même temps, t'as vu. Je m'en bats les couilles de l'heure, je vise le diamant. T'as vu, t'as vu, élevé à la redue. T'as vu, t'as vu, comment le monde est cru. T'as vu, t'as vu, ils veulent censurer mes écrits. Mais sont morts dans le making of car la révolte vient de la rue. T'as vu, t'as vu, élevé à la redue. T'as vu, t'as vu, autour de nous rien ne va plus. T'as vu, t'as vu, wesh qu'est-ce t'as cru. Sans pas les couilles de ton avis, y'a que ceux qui baissent qu'on invite. Y'a plus de tchèpes, laisse les crèves. Tôt ou tard, ils cracheront dans la main que les a nourris au Hebs. Entraîné comme les clebs de mon coach crime. J'lâche pas le beefsteak, j'suis dans la paix. Rachète des fonds de commerce comme poulette. T'as vu, t'hallucines. C'est le début du film. Pense ton chèque, consigne. Convoité comme l'or noir des muslims. T'as rien vu, rien entendu. J'm'en bats les couilles, ton avis. T'as vu, j'en rigole. Le bus m'appelle sur Blackberry Ball. C'est plein de groupies love dans les clubs. T'as vu, les hommes deviennent des salopes quand les billets bluffent. T'as vu, ça s'assume plus au poste. Font trop la langue pendue. Ressort trop leur bise, circule normal, t'as vu. On te valorise à ta caisse et à tes fringues, t'as vu. Je paye pas de mes j'ai du cran et un gros flingue, t'as vu. C'est le carnaval des balles, train, ils ont tous baissé leur calbut. Moi je rappe que pour l'oseille, je vous laisse la gloire, t'as vu. T'as vu, t'as vu, élevé à la redue. T'as vu, t'as vu, comment le monde est cru. T'as vu, t'as vu, ils veulent censurer mes écrits. Mais sont morts dans le making of car la révolte vient de la rue. T'as vu, t'as vu, élevé à la redue. T'as vu, t'as vu, autour de nous rien ne va plus. T'as vu, t'as vu. Wesh t'es t'as cru, t'en bats les couilles de ton avis. Y'a que ceux qui baissent qu'on invite. T'as vu, ah, t'as vu la montée du FN, c'est chaud. T'as vu, à Marseille ça tire à tout va, 15 meurtres déjà. T'as vu, Sarko, Cahuzac, t'as vu, mais qu'on pue, jusque trop de balles. Changement est pas pour maintenant, je crois. C'est la nocturne 100% rap français dans la nocturne avec le son de TLF à l'instant. Le son ça continue sur Skyrock rap avec Brave qu'on va découvrir maintenant. Brave il viendra bientôt dans une nocturne 100% rap français. Voici son morceau L'Arche. Dans la piste, garde ton bonheur, on s'en fout.